vent a fait s'approcher les nuages. Il fait gris au-dessus des plages et la mer a l'air triste aussi. Le ciel n'est plus qu'un long tissu de brume. Il va faire une nuit sans lune et demain je n'aurai pas dormi. Peut-être je vais rencontrer une dame quand j'irai accrocher mon âme sur les arêtes des rochers. Mais le vent souffle si fort sur ces pierres, c'est plus la peine que j'espère. L'amour ne peut pas s'y poser. Mais je rêve, je lance des mots vers le jour qui s'achève. Je voulais qu'il reste, il n'a pas entendu. Plus loin sur les rocs que la mer assaille, cheveux et jupons en bataille, combien de femmes ont attendu? Combien ont crevé leur cœur sur les vagues pour celui qui avait l'autre bague et qui n'est jamais revenu? Mais je rêve, je lance des mots vers le jour qui s'achève. Je voulais qu'il reste, il n'a pas entendu. La mer est plus forte que mon courage, mais ce soir il y a des nuages et je sais qu'elle est triste aussi. Quand ces mots seront devenus des braises, je monterai sur la falaise jeter leurs cendres dans la nuit. Mais je rêve, je lance des mots vers le jour qui s'achève. Je voulais qu'il reste, il n'a pas entendu. Et je dédie ces mots aux amours qui s'achèvent. Je voulais que tu restes.